Et si vous ne me l'amenez pas, alors il n'y aura plus de provision pour vous chez moi, et vous ne m'approcherez plus.